السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nous avons 29e cours de l'explication résumée du livre de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. On est arrivé au chapitre qui s'attache à étudier ce qui concerne le sihr, Bab Maja'a fi sihr. On avait déjà commencé une partie de ce chapitre et on était arrivé à la partie où l'auteur, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه. Vous avez Abi Huraira tan chez vous ou pas? Faut que tu reviennes fetha. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وكوين الفتحة اختغل يا وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والحديث متفق عليه أخرج البخاري ومسلم وكذلك أبو داود. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écartez-vous des sept destructeurs, des sept péchés destructeurs, le muhlikat, le mubiqat, qu'on va voir dans un instant, ça veut dire le muhlikat. Ils dirent, ô messager d'Allah, et quels sont-ils? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, l'association à Allah et le sihr, qu'on peut traduire par sorcellerie, et tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer, sauf de plein droit, et manger le fruit de l'usure, et consommer les biens d'un orphelin, et faire volte-face devant l'ennemi lors d'une bataille, et accuser injustement les femmes chastes, innocentes et croyantes. Là-dessus, on a l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit « Hadal hadithu rawahu al-Bukhari wa muslim » Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Puis il fait l'explication des mots de vocabulaire qui sont utilisés dans ce passage. Il dit « Ijtanibu ay ab'idu ilwani »« Ijtanibu ilwani »« Al-mubiqat ay al-muhlikat »« Summiyat mubiqat »« Liannaha tuhliku fa'ilaha » Ici vous avez « fa'iluha » ici. « Fa'ilaha fid dunya wal-akhirah » Al-Mubiqat, c'est-à-dire les désobéissances, ces péchés-là, on va traduire désobéissance ici, ces désobéissances qui détruisent et ont été appelées comme telles, elles ont été appelées comme telles, car elles détruisent celui qui les commet dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ash-shirku billah, bi an yaj'ala lillahi niddan, yad'uhu, wa yarjuhu, wa yakhafu. Ash-shirku billah, c'est donner, attribuer à Allah un semblable, un égal, l'invoquer et espérer en lui et le craindre. Allati harrama Allah, yani an-nafs allati harrama Allah, ay harrama qatlaha. Allati harrama Allah ou allati harrama Allah, c'est-à-dire qu'Allah a interdit de tuer. Illa bil haqq, ay bi fi'l mujib lil qatl. En commettant quelque chose qui rend obligatoire l'exécution. Évidemment, ici, on parle de dans un pays musulman, avec une juridiction, un pouvoir exécutif et judiciaire compétent qui s'attache à étudier les crimes et à appliquer les peines légales. Et ça ne revient pas au commun des musulmans, que ce soit dans les pays des musulmans ou dans d'autres pays que les pays des musulmans. وأكل الربا أي تناوله بأي وجه. أكل الربا, ربا l'usure, manger, consommer le fruit de l'usure, c'est-à-dire le consommer de quelque manière que ce soit. وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. Ça j'avais déjà parlé dans un des cours, on avait fait une fois la différence dans la terminologie chez les ulama entre celui qui a perdu son père ou celui qui a perdu sa mère, etc. اليتيم chez les ulama, c'est celui qui a, dont le père est décédé alors que lui-même était en dessous de l'âge de puberté. Il n'était pas encore arrivé à l'âge de puberté. Donc c'est lui qui perd son père, alors que, c'est-à-dire le fils qui perd son père, est encore à l'âge, n'a pas encore atteint l'âge de puberté. Donc on a dit, c'est-à-dire l'orphelin, al-yatim, c'est celui dont le père meurt alors que lui, c'est-à-dire le fils, n'a pas encore atteint l'âge de puberté. التولي يوم الزحف أي الإدبار من وجوه الكفار وقت القتال. التولي يوم الزحف, faire volte-face devant les mécréants lors d'une bataille. Les ulama considèrent ça comme faisant partie des sept péchés capitaux destructeurs. Ainsi, une petite faïda menhajia, c'est que il y a un moubtadi' que vous connaissez certainement, en tout cas vous avez entendu parler de lui, c'est Adnan Ar'our, hein, c'est un Syrien qui était jugé innovateur par les gens de la Sunna. Et vous avez sûrement entendu parler, ou pour les frères qui sont plus à même parce qu'ils sont algériens, vous avez entendu parler de la fitna en Algérie qui est dans les années 90, où les Khawarij, ils ont fait leur fitna et ils ont massacré énormément de gens. Alhamdulillah, la fitna est presque éteinte aujourd'hui, ou éteinte aujourd'hui, alhamdulillah, même s'il reste des Khawarij un peu partout dans le monde. Mais en tout cas, en Algérie, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Il faut savoir qu'Anan Ar'our leur avait dit, aux Khawarij, de ne pas descendre des montagnes, et que ça faisait partie des Tawali Yom Zahf. Hein? Parce que lui considérait ça comme un jihad shara'i, c'est-à-dire que le massacre qu'il y avait, hein, pour lui c'était un jihad légiféré, et donc il leur avait dit de ne pas descendre. Alors que les ulama leur conseillaient de descendre, comme Cheikh Al-Uthaymin, comme Cheikh Rabi, etc. Et ces ulama-là avaient de même des débats avec les soi-disant émirs des groupes Khawarij, etc. Il y en a plusieurs qui sont revenus, etc., et qui leur disaient de descendre, d'arrêter la fitna, etc., et que ce n'était pas un jihad, et que ce n'était pas un jihad légiféré. En sachant que les Khawarij avaient menti sur les ulama de l'époque, et ils avaient prétendu que les ulama avaient dit que c'était un jihad légiféré, donc beaucoup de jeunes s'étaient fait avoir. D'accord ? Donc Ar'our, comme à son habitude, il leur a dit non, de ne pas descendre, et que s'ils descendaient de la montagne et qu'ils arrêtaient les combats, c'est-à-dire que vous imaginez, contre les musulmans algériens, nos frères et nos sœurs en Algérie, hein, et que ça faisait partie des Tawalli Yom Zahf. Voilà. وقذف المحصنات رميهن بالزنا والمحصنات المحفوظات من الزنا والمراد الحرائر العفيفات. قذف المحصنات, c'est accuser injustement les femmes chastes, les accuser de fornication. Et les محصنات sont celles qui sont préservées de la fornication, et ce qui est entendu, ce sont les femmes libres et chastes. الغافلات عن الفواحش وما رمين به أي البريئات. الغافلات qui n'ont pas l'esprit, les turpitudes, elles sont insouciantes par rapport à ça, et ce au sujet auquel on les accuse, c'est-à-dire les innocentes, elles sont innocentes, elles sont chastes, et elles mu'minat, et elles sont croyantes. المعنى الإجمالي يعني المؤمنات, المؤمنات بالله, celles qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens général du hadith, المعنى الإجمالي للحديث, يأمر صلى الله عليه وسلم أمته بالابتعاد عن سبع جرائم مهلكات, ولما سئل عنها ما هي بينها بأنها الشرك بالله باتخاذ الأنداد له من أي شكل كانت, وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب, وقتل النفس التي منع الله من قتلها إلا بمسوغ شرعي, وتناول الربا بأكل أو بغيره من وجوه الانتفاع, والتعدي على مال الطفل الذي مات أبوه, والفرار من المعركة مع الكفار, ورمي الحرائر العافيفات بالزنا. Le sens général du hadith, le hadith d'Abu Huraira rapporté par le Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonne à sa communauté de s'éloigner des sept péchés capitaux destructeurs, et lorsqu'il fait question à leur sujet, il expliqua que c'est l'association à Allah en attribuant des égaux à Allah, et cela de quelque manière que ce soit. Et il sallallahu alayhi wa sallam commença par l'association à Allah, car c'est le péché le plus grave. Quand vous analysez le hadith, en fait, ça me dit, « Ijtani vous sa'un mubiqat » Puis quand ils ont dit, « Qal, ya Rasulallah, wa ma hunna, qal, ashirku billah » Il a commencé par « shirk billah ». Pourquoi ? Eh bien, car c'est le péché le plus grave. Puis, ensuite, tuer l'âme qu'Allah interdit de tuer, si ce n'est pour une raison légiférée. Et prendre le fruit de l'usure, que ce soit en le consommant ou toute autre manière d'en tirer bénéfice. Et de dépasser les limites avec les biens de l'orphelin dont le père est mort. Et de fuir le combat contre les mécréants, et d'accuser injustement de fornication les femmes libres et chastes. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, alaykoum salam, وجه سياق الحديث في باب السحر أن فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة. Le caractère opportun, c'est-à-dire que Cheikh Mohamed Al-Wahhab rahimahullah, il a cité ce hadith, le hadith d'Abu Huraira rapporté par le Bukhari et le Muslim, dans le cadre d'un chapitre. Le chapitre sur le sihr. Donc il convient de rapporter le caractère opportun par rapport à ce hadith quant au chapitre. C'est ce qu'il est en train de faire Cheikh Fouazan. Il dit, le caractère opportun de citer ce hadith dans le chapitre sur le sihr est qu'il y a dans ce hadith une preuve du caractère illicite du sihr. Hein, parce que vous avez vu, al-shirku billah, et puis le professeur Hassan, en deuxième, il a rapporté un al-sihr. Et donc il dit, il y a dans ce hadith une preuve du caractère illicite du sihr et qu'il est considéré comme faisant partie des péchés capitaux destructeurs. Les enseignements tirés de ce hadith, ma yustafadu min al-hadith, awalan, tahrimu shirki, wannahu akbaru al-kabairi, wa adamu al-dhunub. L'interdiction d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala et l'association à Allah est le plus grand des péchés capitaux et le péché le plus grave. Deuxième point, تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام. Le caractère illicite du sihr, et il fait partie des péchés capitaux destructeurs et des annulatifs de l'islam. Donc, si vous voulez savoir plus sur cet annulatif de l'islam, on a expliqué, on a traduit en tout cas l'explication de Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah, sur l'épître de Cheikh al-Islam, Mohamed al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, concernant les annulatifs de l'islam, et c'est disponible sur notre site aussi. Et donc il dit ensuite, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, troisièmement, thalithan, tahrimu qatl al-nafsi bighayri haqq, l'interdiction de tuer une âme sans aucun droit. Rabi'an, جواز قتل النفس إذا كان بحق القصاص وردة والزنا وبعد إحصان. Ça c'est un chart ici. Donc il dit la permission d'exécuter une âme, encore une fois on a dit que ça se faisait par les gens compétents, impies musulmans, etc. Si c'est de plein droit, comme la loi du talion par exemple, ou l'apostasie, ou la fornication après Ihsan. Ihsan, de manière résumée, les savants expliquent que c'est le fait de quelqu'un, que quelqu'un soit marié, c'est-à-dire qu'il soit marié et qu'il ait consommé le mariage, et que donc il fasse la fornication en étant marié après avoir consommé le mariage. D'accord ? C'est celui-là qu'on appelle Muhsan, ou qu'il a été marié dans le passé, encore une fois, s'il y a eu consommation du mariage. Donc c'est pas le considérer qu'il soit marié au moment de la fornication. C'est le fait qu'il ait consommé une fois un mariage, même avant. Le fait qu'il tombe dans la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici, cinquièmement, تحريم الربا وعظيم ou bien وعظيم خطره. Ici, il dit, le cheikh, حفظه الله تعالى, le caractère illicite de l'usure et la grandeur de son danger. Sixièmement, تحريم الاعتداء على مال الأيتام. Le caractère illicite de s'en prendre ou de dépasser les limites quant au bien des orphelins. Septièmement, tahrimu al-firari min al-zahf. Le caractère illicite de faire volte-face devant l'ennemi lors d'une bataille. Huitièmement, tahrimu al-qadfi bil-zina wal-liwat. L'interdiction d'accuser injustement de fornication ou d'homosexualité. Il y a des peines, des châtiments qui sont prévus pour ceux qui accusent injustement. Neuvièmement, تاسعًا أن قتل الكافر ليس من الكبائر. Accuser injustement un mécréant ne fait pas partie des grands péchés. وعن جندب مرفوعا, on revient à la parole du Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab رحمه الله تعالى, il dit, وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. أخرج الترمذي والبيهقي في سننه الكبرى والحاكم في المستدرك وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وهذا أخرجه البخاري وأحمد في المسند وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. Ça c'est rapporté par Kharaj Malik fi Muwatta'ihi, dans son Muwatta. Wa kadhalika sahhan Jundubin qala Ahmad an thalathatin min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur qui cherche l'islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, et d'après Jundub qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit la peine légale légiférée pour le sahir est qu'on le frappe du sabre. Rapporté par Tirmidhi, et il dit, Tirmidhi rahimahullah, et ce qui est juste, c'est que c'est la parole de Jundub. Parce que ça veut dire, on a dit « an jundum marfou'an ». Quand on dit « marfou'a », ça veut dire qu'il « rafa'ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». C'est-à-dire comme si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Tirmidhi ici, il dit que ce qui est juste, c'est que c'est la parole de jundub. « Wa qal as-sahih annahu mawquf ». Mawquf, c'est-à-dire que mawquf, ala jundub, radiallahu anhu wa ardah. Et dans l'authentique d'Al-Bukhari, d'après Bajalata ibn Abada, qu'il a dit, Omar ibn Khattab a écrit « Exécutez tout sorcier et toute sorcière ». Et il dit « Nous exécutâmes donc trois sorciers ». Ça, c'est rapporté par par Al-Bukhari et Ahmed. Puis ensuite, il était rapporté de manière authentique au sujet de Hafsa, radiallahu anha, qu'elle a ordonné d'exécuter une servante à elle qui lui avait fait de la sorcellerie. Et elle fut donc exécutée. Et cela aussi était rapporté de manière authentique de Jundub. Après, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit, en tout cas, Cheikh Mohamed Al-Wahib, il dit, Ahmed a dit, d'après trois compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans l'explication de ce passage-là de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit, Haddu sahir ay uqubatuhu. Quand on parle du had, la peine légale légiférée, ou la peine légiférée, ici, je dis, c'est-à-dire son châtiment. Darbuhu bis-saif. Un coup de, c'est-à-dire qu'on lui donne un coup de sabre, c'est-à-dire son exécution. Mawqufun ay min kalam as-sahabi la min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mawquf, c'est-à-dire que c'est une parole du compagnon, pas une parole du prophète sallam. Quand c'est une parole du prophète, on dit que c'est marfou', quand c'est une parole du compagnon, on dit que c'est mawquf. Et dit an thalathatin min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hum Umar wa Hafsa wa Jundub. D'après trois compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont Omar et Hafsa et Jundub. مناسبه الاثار للباب ان فيها بيان حد الساحر بانه القتل مما يدل على عظم جريمه السحر وانه من الكبائر. Le caractère opportun de ces athars qu'on a rapporté ici par rapport au chapitre, c'est-à-dire ces paroles de compagnons, eh bien c'est qu'il y a dans ces athars la mise en évidence que la peine légiférée pour le sorcier, c'est l'exécution, ce qui indique la grande sévérité du crime de sorcellerie et que cela fait partie des grands péchés. Maintenant, les enseignements tirés de ces athars, ما يستفاد من الآثار, أولا بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب. Les enseignements tirés de ces athars, la mise en évidence de la peine légiférée du sorcier, et c'est qu'il soit exécuté, on a déjà expliqué les conditions par rapport à ça, et qu'on ne lui demande pas de se repentir. ثانيا وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده. L'existence de la pratique de la sorcellerie au sein des musulmans à l'époque de Omar, alors qu'en est-il pour ceux qui sont venus après lui? On continue toujours dans le matn, et on ouvre un nouveau chapitre, et Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit Babu bayani shay min anwa' al-sihr. Qal Ahmed, haddathana Mohammed ibn Ja'far, haddathana Awf an Hayyan ibn al-Ala, haddathana قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبتي. وهذا أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن حبان كما في الموارد. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. Donc, Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, chapitre de la mise en évidence de certains genres de sorcellerie. Ahmed a dit, Mohammed ibn Ja'far nous a dit que Auf nous a rapporté de Hayyan ibn al-Ala, que Qatan ibn Qabisata a rapporté de son père, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Al-Iyafa et Al-Tarq et Al-Tiyara sont du Djibt. Auf a dit Al-Iyafa, c'est Zajr al-Tayr. On va expliquer après ce que ça veut dire. C'est d'effrayer les oiseaux. Et At-Tarq, c'est une ligne qui est tracée au sol. Al-Hassan, il a dit au sujet du Djibt, et c'est un mot qu'on a déjà défini dans un des cours précédents, il a dit c'est ici Rannatu Shaitan, le son de Satan. Et sa chaîne de transmission est bonne. Et d'après Abu Daoud et Nasa ibn Hibban, dans son authentique, ils en ont rapporté la partie dont la chaîne remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Le musnadu ilay. Et donc ici il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, expliquant ce passage, il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. Le caractère opportun entre ce chapitre, le chapitre de la mise en évidence de certains types, parmi les types de sorcellerie, le caractère opportun entre ce chapitre et le livre de l'unicité, dont ce chapitre fait partie, est que comme l'auteur a cité dans le chapitre précédent la sorcellerie, il cite dans celui-ci un certain nombre de types de sorcellerie, car elles sont souvent pratiquées et elles sont dissimulées, elles sont pas apparentes aux gens. À tel point qu'ils les ont considérés comme des karamates, des awliya. Et cela est arrivé à tel point qu'ils ont adoré ceux qui les pratiquent et sont donc tombés dans l'association à Allah qui est gravissime. Puis Cheikh Al-Fawzan fait une biographie des noms qui ont été cités ici. Il dit Tarajum, les biographies, pluriel de Tarjamah, Tarajum, Ahmed, huwa l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ahmed, qu'on a dit Ahmed, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal, imam al-Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah. Mohammed ibn Ja'far, c'est al-Mashhuru. Bighandar al-Hadali al-Basri, thiqatun mashhur. Mohammed ibn Ja'far, c'est celui qui est connu comme Ghandar al-Hadali al-Basri, indigne de confiance, célèbre. Auf, huwa ibn Abi Jamila al-Ma'ruf bi'Aufin al-Arabi thiqah. Auf, c'est ibn Abi Jamila, connu comme Auf al-Arabi, et c'est indigne de confiance, un thiqah. An Abihi, il est rapporté de son père, qui est Qabisatu. Ibn al-Makhariq al-Hilali, sahabi mashhur. Je vous donne la chaîne de transmission. Ici, d'après son père, qui est son père, c'est Qabisatu ibn al-Makhariq al-Hilali. Et c'est un compagnon célèbre parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Hassan, quand il a dit ici, Qal al-Hassan, par rapport au Gypte, al-Hassan c'est qui? C'est al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Maintenant, on explique les termes. Zajru al-Tayr. التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. C'est-à-dire que c'est d'avoir des augures, de faire des augures en fonction des noms des oiseaux et de leur son, hein, de leur chant ou de leur son et de leur passage. من الجبت أي من أعمال السحر. C'est-à-dire parmi les actions de sorcellerie. يخط بالأرض أو يخط بالأرض يخطه الرمالون يدعون به علم الغيب. Il trace, ou c'est une trace dans le sable par ceux qui tracent dans le sable et prétendent connaître la science de l'invisible. الجبت رنة الشيطان هذا تفسير للجبت ببعض أفراده والرنة الصوت ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. الجبت رنة الشيطان. Quand il explique le jibt en disant que c'est رنة الشيطان, le son, la sonnerie de Shaitan, eh bien ceci est de l'ordre d'expliquer le jibt par l'un de ses composants. Et رنة, c'est le son, ou la sonnerie si vous voulez. Et entre dans cela les sons de toutes les distractions. Ils vont citer plusieurs Cheikh Al-Fawzan après, Inch'Allah. Et cela a été attribué à Satan car il y appelle. D'après Abu Dawood, ou l'Abu Dawood il a akhir al-kalam, أي أن هؤلاء رأوا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوف. Et d'après Abu Dawood et les autres ulama qu'on a cités qui ont rapporté ce hadith, quand il a dit, ou l'Abu Dawood ou al-Nasa'i ou Ibn Hibban, il a dit, c'est-à-dire que ceux-là ont rapporté le hadith et se sont limités à ce qu'on a été rapporté directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas rapporté l'explication de عوف. Maintenant, le cheikh dit « Munasabatu al-hadithi lil-bab, bayanu an al-iyafata wa al-tarqa wa al-tirata min al-jibti alladhi huwa al-sihru al-munafi lil-tawhid. » Le caractère opportun du hadith par rapport au chapitre ici, eh bien, c'est la mise en évidence que l'iyafah et al-tarq et al-tirah, qu'on a déjà défini, font partie d'al-jibt, qui est la sorcellerie qui s'oppose à l'unicité. « Ma yustafadu min al-hadith, ce que l'on tire comme enseignement de ce hadith, awalan tahrimu al-di'a'i al-ilm al-ghayb, lianahu yunafi al-tawhid. » L'interdiction ou le caractère illicite de prétendre la science de l'invisible, car cela annule l'unicité. L'interdiction de tiyara, car cela annule l'unicité ou sa complétion, c'est-à-dire la complétion de l'unicité. Thalithan, tahrimu al-malahi bi anwa'iha, li'annaha tunafi ta'ata Allah wa kamala tawhidih. l'interdiction des distractions et de tout leur genre, car cela s'oppose à l'obéissance à Allah et à la complétion de son unicité. Et j'ai expliqué ce qu'il veut dire par là, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit « Anna al-malahi bi-anwa'iha » Rabi'an, ça c'est le quatrième enseignement. « Anna al-malahi bi-anwa'iha min al-aghani wal-mazamir wa sa'iri alati lahu min rannati shaytan alladhi sha'nuhu kulluhu asaddu an sabilillah » Les distractions dans tout leur genre, parmi les chansons et les flûtes et tous les instruments de distraction, font partie du son de Satan, de Shaitan, dont la situation, dont l'état est entièrement de dévouer, de détourner les gens de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, on a fini pour aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan wa subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.